La lumière. Un soir, on vit un homme marchant droit dans l'obscurité, au milieu d'une place. Il portait sur sa tête une lumière solidement fixée à son chapeau. Plusieurs se mirent à rire en passant près de lui, car ils s'aperçurent qu'il était aveugle. « La lumière est-elle faite pour les aveugles ? » demandèrent-ils en se moquant. « Ce n'est pas pour moi que je l'ai plantée ainsi, » répliqua tranquillement l'aveugle. « C'est pour vous, que je ne vois pas. » Et qui me voyez mieux au moyen de cette lumière. Vous pouvez éviter ainsi le choc de ma rencontre en passant à deux pas de moi. Qui me jetterait sur vous et qui vous blesserait peut-être? J'imite la Providence qui place toujours un indice au danger qu'elle sème devant l'homme. Moi je suis le danger, ceci en est le phare. Ils s'éloignèrent tous en disant : Cet homme est sage. Ne vous moquez jamais d'une chose avant de l'avoir comprise.